La situation s'éclairait faiblement. Franz de Galais, le fils du château, qui était étudiant, ou marin, ou peut-être aspirant de marine, on ne savait pas, était allé à Bourges pour y chercher une jeune fille et l'épouser. Chose étrange, ce garçon, qui devait être très jeune et très fantasque, réglait tout à sa guise dans le domaine. Il avait voulu que la maison où sa fiancée entrerait ressemblât à un palais en fête. Et pour célébrer la venue de la jeune fille, il avait invité lui-même ses enfants et ses vieilles gens débonnaires. Personne d'autre que Franz n'avait vu la jeune fille. Lui-même, en revenant de Toulon, l'avait rencontrée un soir, désolée, dans un de ces jardins de Bourges qu'on appelle les Marais. Son père, un tisserand, l'avait chassée de chez elle. Elle était fort jolie, et Franz avait décidé aussitôt de l'épouser. C'était une étrange histoire, mais son père, M. de Galais, et sa sœur, Yvonne, ne lui avaient-ils pas toujours tout accordé? Mohan avait précaution, allait poser d'autres questions lorsque parut à la porte un couple charmant, une enfant de 16 ans, avec corsage de velours et jupe à grand volant, un jeune personnage, en habit à haut col et pantalon à élastique. Ils traversèrent la salle, esquissant un pas de deux. D'autres les suivirent, puis d'autres passèrent en courant, poussant des cris, poursuivis par un grand pierrot blafard, aux manches trop longues, coiffé d'un bonnet noir et riant d'une bouche édentée. Le repas terminé, chacun se levait. Dans les couloirs s'organisaient des rondes et des farandoles. Une musique, quelque part, jouait un pas de menuet. Mohan, la tête à demi cachée dans le collet de son manteau, comme dans une fraise, se sentait un autre personnage. Lui aussi, gagné par le plaisir, se mit à poursuivre le grand Pierrot à travers les couloirs du domaine, comme dans les coulisses d'un théâtre où la pantomime de la scène se fut partout répandue. Il entra dans une pièce silencieuse qui était une salle à manger, éclairée par une lampe à suspension. Là aussi, c'était fête, mais fête pour les petits-enfants. Les uns, assis sur des poufs, feuilletaient des albums ouverts sur leurs genoux, d'autres étaient accroupis par terre, devant une chaise, et gravement, ils faisaient sur le siège un étalage d'images. D'autres, auprès du feu, ne disaient rien, ne faisaient rien, mais ils écoutaient au loin, dans l'immense demeure, la rumeur de la fête.